Un parc aquatique est achevé à Kamtchatka de Russie en collaboration avec les bâtisseurs coréens. L'inauguration a eu lieu le 30 décembre de l'année dernière. Les personnalités de l'administration, de la compagnie du bâtiment de Kamtchatka et les habitants, le consul général coréen à Vladivostok et des cadres des secteurs intéressés y ont participé. On a adopté une lettre adressée au dirigeant suprême Kim Jong-un.